atela mibeko miakati chance ya mokili ezwa makambara mibale te. Je ne veux plus encaisser les douleurs d'amour ni ebisanga soki ya solo tolingani sami mwana ya mabibila. La pesi autorisation sala yonso mobali akosalaka opesa masanga na baboti bangai nsima to celebre mariage officieux. Nazali komona mibali nyonso ya Congo pamba kolekisanga tango te mon amour mpo nazali nano mwana na makila na nzoto oyebi nyonso bolingo soki eumeli epesaka foli na se ya motema bipai biso nakoleka soki batuni ngai nazali kolela mai na miso. Bona zangi mobali na Congo sami akatobala na ye sami mwinda ya kolemani na ngai sami akatokwela na ye. Sami na kati bakobala na Mokola sa medita te poni baboti intellectuel a ouvrier basali kobalana poni yangai na yo libala se amiso musicien étudiant basali kokwelana poni yangai na yo libala ya idekenye.

sapato ekeseni na makolo wana na kipateo na kibambala na ngai ekominga na lopango na ye na beti ngonga ndenge etoyokanaki leki na ye aye alobi yaye alobi zela ye moke nebere o yaya komi kolataha ozere o etikali se sapato ozere o bamungi balongolinga na pongi yaya si abimaki bakumbie na solex Wazalina makolo mine. kala e zela na nokola wana nde malamu Joselina e liboso di akobala e bongi boyokana na sima nde bokwelana Joselina e makwela ya tango yo Ebongi yo moko pona Saina motema Joselina Nibala ya bakwen Ezangi garanti Ezali soni na baboti Joselina Soki ozwi mobalie La kisana baboti Ese gola motema Ah Joselina Tika le bala ba kwe mama Pesa lo kumo ba poti ba yo ba polisi yo Ese go yeah. Kolingi kobala Zela na nukola Wana nde malamu Joselina Liboso di akobala Ebongi boyokana Nasima nde bokwelana Joselina Makwela ya tango yo Ebongi yo moko pona Saina motema Joselina Libala ya bakwen Ezangi garanti Ezali soni na baboti Joselina Soki ozwi mobalie La kisana baboti Ese gona motema Soki yo bali Joselina Fidelite na libala Amour confiance na makwela Fidelite na libala Meilleur vœu na libala Fidelite na libala Meilleur vœu na ndakwa mobali Fidelite na libala Nasima nde toni mi maria Fidelite na libala Yeah yeah yeah yeah Joselina na libala Yeah yeah yeah yeah Joselina na libala Yeah yeah yeah yeah Joselina na libala Chuma Ble ble Yeah. bouche du mi moi na we me qui bare mengo wo you si bakuru wo wo ni tu kwenyele ku Congo vama vula mumba kulumba kulu twena twena sambini sanuchani bayaya nimeba kwesege abunsalama unisikantambi nimeba kwesege abunsalama unisikantambi Cheno mia si sabambuta wo wo wo ni mitu kwela ndi ku Congo Ratara si sabambuta wo wo wo wo ni ditu kwetungi ku Congo Nimeba kwesele abunsalama unisikantambi Nimeba kwesele abunsalama unisikantambi Tarame Tarame Wow wow Wow wow Minister Wow wow Wow wow Wow wow Bizangingai Nene emisangai epai wapina koki kozua biloko byatalo malonga Gai kotata ya bana pia tango yo ikoma sempasi Mokena zua kana kokateko baby salo palanga nangai na biloko yo bimatatalo Libada, Tala, Pesomba di Loko, Tao Flaco, Loko ya Punzenga, Ya! Kana koka teko baby salo falanga nangai na biloko yo bimatatalo na boye ko baby salo falanga nangai na magaze ya babuzwa na boye nene akakote yangai Eko, koke ne mosikote, mama Magaze Oplacom, entreprise d'état Oplacom ya sango, biloko talo malonga Nanimi kokota, Oplacom ehe Biloko ya bondenga etondina Oplacom Batata ba mama boya kosomba Kuma Batata ba mama boya kosomba